À l'occasion du 23e anniversaire du décès du président Kim Il-sung, grand leader, les cadres responsables de l'État ont visité le 8 juillet, jour de deuil national suprême, le palais du soleil de Gumsusan pour rendre leur hommage sublime. Y ont été présents Kim Yong-nam, membre de la commission permanente du bureau politique du comité central du Parti du Travail de Corée et président du présidium de l'Assemblée populaire suprême de la République populaire démocratique de Corée, Park Bong-joo, membre de la commission permanente du bureau politique du comité central du Parti du Travail de Corée, vice-président du comité des affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée et premier ministre du cabinet ministériel et autres cadres responsables de l'État, un président de parti ami, les membres de l'organisme directeur du comité central du parti à Pyongyang et les officiels des ministères et établissements centraux. Les statues du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il ont été flanqués des drapeaux du parti et de la République et a été alignée la garde d'honneur des forces terrestres, navales, aériennes et anti-aériennes de l'armée populaire de Corée et de la garde rouge des ouvriers et paysans. Devant les statues des grands leaders se trouvait la corbeille de fleurs au nom auguste du dirigeant suprême de notre parti, de notre État et de notre armée Kim Jong-un, président du Parti du Travail de Corée, président du comité des affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée et commandant suprême de l'armée populaire de Corée, ainsi que la corbeille de fleurs au nom commun du comité central et de la commission militaire centrale du Parti du Travail de Corée et du comité des affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée. La corbeille de fleurs au nom commun du présidium de l'Assemblée populaire suprême de la République populaire démocratique de Corée et du cabinet ministériel de la République populaire démocratique de Corée est déposée devant les statues. Le même jour, les militaires de l'armée populaire de Corée et les citadins ont visité le palais du soleil de Gumsusan où sont conservées les dépouilles embaumées des grands leaders pour leur rendre hommage.